Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. En 1871, Paris ressemble à une cocotte minute. Oh, bien sûr, j'exagère. La ville ne fait pas pchit-pchit quand le rôti est bien cuit. Non, mais disons qu'il y a de la révolte dans l'air. Depuis des années, le travail et le pain manquent. Faute de mieux, les pauvres vivent entassés les uns sur les autres dans de minuscules appartements aux portes de la ville. Parfois, ils ne mangent rien pendant plusieurs jours. Alors quoi ? C'est tout ce que la vie aurait à leur offrir ? La faim, le froid, les pleurs et la misère ? En 1871, la France perd la guerre contre les Prussiens et leurs alliés. Qui sont-ils ? Eh bien, ce sont nos voisins. Plus tard, ensemble, ils deviendront l'Allemagne. Mais, bref, là n'est pas la question. C'est la catastrophe ! La République française a capitulé ! Pour le peuple de Paris, trop, c'est trop. Ils décident de prendre les armes. Pendant 2 mois, ces hommes et ces femmes vont se battre et tenter l'impossible. Renverser l'ordre et inventer un nouveau monde avec des règles plus justes, plus égalitaires. Cet élan du peuple, cette formidable tentative porte un nom. On l'appelle la Commune. Tout au long de cette folle aventure, nous suivrons un guide extraordinaire. Victorine Brochet. Intrépide, vive, courageuse, comme les chats, elle a plusieurs vies. Non pas une, non pas deux, mais 3 fois elle échappera à la mort. Super miaou ! Es-tu prête ? Es-tu prêt ? Suce à la misère ! Oui à la joie ! Oui au bonheur ! Ensemble, nous allons tenter de faire la révolution. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, Victorine marche vite, le regard droit. Elle garde les yeux ouverts. Pourtant, le monde autour d'elle n'est pas si beau à voir. Notre héroïne habite le nord-est de Paris. Les habitants de son quartier ont la vie dure, les femmes en particulier. 12 à 14 heures par jour, elle trime dans des ateliers comme des forcenés. Dans ces hangars, où la lumière du jour ne pénètre jamais, le bruit des machines est infernal. Il faut aller vite, toujours plus vite. Elle se crève la santé, et pourquoi ? 3 petites pièces à se glisser dans la poche, même pas de quoi nourrir leur famille. Ces femmes sont des ouvrières. Paris est une drôle de ville, pense Victorine. Ici, le pain manque. Là-bas, dans les beaux quartiers, ils se régalent de délicieux rôtis. Le luxe et la misère, voilà ce qu'on trouve dans la capitale. C'est injuste, révoltant. Mais qui dit que ça ne changera jamais ? Bravo ! Tu vois, ça c'est Victorine. Elle porte en elle la puissance et l'espoir. Comme ses ouvrières, notre héroïne travaille dur, jusqu'à l'épuisement. Il faut dire qu'elle n'a pas vraiment le choix. Son fils est malade et elle doit le sauver. Les médicaments, les visites chez le médecin, tout ça coûte extrêmement cher. Qu'importe, elle se démène. Son fils, c'est sa joie, son bonheur. Le dimanche, elle passe des heures à l'observer sous la fenêtre. Lorsque le soleil caresse le sommet de son crâne, ça lui fait comme une couronne d'or. Elle le regarde et elle pense... Comme les gens riches, tu feras des études. Tu deviendras médecin ou avocat. Et lorsque tu auras réussi, tu aideras les pauvres, le peuple, les gens comme nous. Oui, Victorine a de grands projets pour son fils. Elle, vivante, jamais il ne travaillera, ni sur les chantiers, ni dans les rues à vendre les journaux. Jamais il ne sera comme les petits-enfants qu'on voit épuisés, le regard triste. Ils ont quoi ? 7 ans à peine, et déjà, ils se tuent à la tâche. Non, son fils ira à l'école, il sera instruit, il n'aura pas le ventre creux. Un soir, le petit a un accès de fièvre. C'est grave. Victorine doit acheter un médicament de toute urgence. Mais catastrophe. Son porte-monnaie est vide. Et dans le placard, sous le linge. Rien. Plus un billet. Plus une seule pièce. Que faire? Elle passe et repasse devant la pharmacie, la boule au ventre. Enfin, comme une tornade, comme un feu ardent qui éclaire les nuits les plus sombres, elle entre. Mon fils est malade. Sans médicaments, il ne passera pas la nuit. Je n'ai rien pour payer, mais je vous rembourserai dès que je pourrai. Victorine ne supplie pas. Alors ça, non, hein, c'est hors de question. Elle demande. Le pharmacien, tout à la fois ému et impressionné par sa détermination, donne le médicament. Il y a donc des gens bons dans ce monde, pense notre héroïne en rentrant chez elle. Des gens bons, Victorine? Ou bien des saucissons? Oh, pardon, cette blague est vraiment trop nulle. Et puis, franchement, oh, mais il faut que j'arrête avec les saucissons. Pour son fils, Victorine souhaite un monde meilleur. Depuis quelque temps, elle assiste à des réunions politiques. Comme elle, beaucoup cherchent à améliorer la vie des ouvriers. Et même plus, ils veulent changer la société. Toutes les semaines, ils se retrouvent dans des cafés ou des salles de théâtre, et des heures durant, les idées fusent, les discussions sont enflammées. Victorine écoute, les yeux pleins de passion. Elle sent grandir en elle des forces pour aider les autres. On peut toujours faire quelque chose pour réduire la misère. Pas besoin d'avoir les poches pleines de billets. Il faut se serrer les coudes, se débrouiller. Ensemble, nous pourrons faire des merveilles. Victorine est une femme de volonté. Elle agit. Près de la porte de la chapelle, elle ouvre une boulangerie coopérative. Chez elle, on peut faire ses courses et payer plus tard si le porte-monnaie est vide. Comme ça, oui ! Personne ne crève de faim. Le 28 janvier 1868, son fils meurt. Dévorée par le chagrin, elle reste pourtant debout. Il y a tant de souffrances autour de moi. M'apitoyer sur mon sort, ce serait de l'égoïsme. Pétard, oh, j'aimerais tellement te dire que ça va aller mieux pour elle. Hélas, il n'en est rien. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Tu te souviens? C'est sa voisine. Deux mois plus tard, les soldats ennemis ont réussi à atteindre Paris. Vite, on ferme les portes de la ville. Plus rien n'entre ni ne sort. La capitale est en état de siège. Combien de temps la population va-t-elle pouvoir résister? Le combat fait rage. Les morts et les blessés sont nombreux. Pour Victorine, impossible de rester les bras croisés. D'une façon ou d'une autre, je veux être utile à mon pays. Je veux aider. Ni une, ni deux, elle devient ambulancière. Attention! Chaud devant! On arrive! Du matin au soir, elle se démène pour évacuer les blessés. Poussez-vous! Déjà, l'hiver est là. Dans les quartiers pauvres, les épiceries sont vides. La misère augmente de jour en jour. Les enfants marchent pieds nus dans la neige. On mange des soupes de paille mélangées à du papier. Et dans les quartiers riches alors, comment ça se passe? Eh bien, il paraît que certains se plaignent de ne plus pouvoir se régaler d'huîtres. Quelle infamie! S'exclame Victorine hors d'elle. Pendant que nos soldats se battent le ventre creux, pendant que nos enfants grelottent dans le froid, maudits soient ceux qui ont inventé la guerre! Tu sens la colère, comme elle grandit! Comme elle gronde! Les privations sont terribles. Le froid, assassin. Paris ne pourra plus tenir bien longtemps. Les Prussiens sont désormais si proches que les tirs de canon atteignent la population à l'intérieur de la ville. Rue de Rennes, Victorine manque de se prendre un morceau d'obus dans la poitrine. Notre héroïne vient de frôler la mort pour la première fois. Le 28 janvier 1871, la France capitule. La République signe la paix. Pour les Parisiens, la défaite est insupportable. Victorine, comme beaucoup, pleure de rage. Après tout ce que nous avons enduré, la République dépose les armes devant l'ennemi, alors qu'on pourrait encore résister? À plusieurs reprises, le peuple sort dans la rue pour montrer sa colère. On lui tire dessus. Les Parisiens sont à bout. Le chef du gouvernement s'appelle Adolphe Thiers. Il veut mater les rebelles. Et puis surtout, il a peur. Si le peuple se soulève, qui sait jusqu'où il pourra aller? Jusqu'à la Révolution? Adolphe Thiers donne l'ordre de récupérer les canons de la ville. La République veut désarmer Paris, alors que Paris a défendu la République avec tant de courage? Et puis quoi encore? Pour les Parisiens, c'est un choc. Le 18 mars 1871, le peuple ne contient plus sa colère. Cette fois, il prend les armes. Partout, on élève des barricades. On se prépare au combat. 10 jours plus tard, place de l'Hôtel de Ville, les Parisiens proclament, au nom du peuple, un pouvoir parallèle qu'ils appellent la Commune. Victorine, oh oh, tu penses bien, et de la partie! Face à la révolte des communards, Thiers prend ses jambes à son cou. Il rejoint les députés qui se sont réfugiés, oula, depuis belle lurette, à Versailles. Pour cette raison, nous les appellerons désormais les Froussards. Mais non, je plaisante, les Versaillais. Au sein du pays, deux clans s'opposent. C'est la guerre civile. Qui, des Versaillais ou des communards, va finir par remporter la partie? Entre nous, je crains le pire. Les fusils, pétards, n'ont pas fini de tirer. Mais allez, haut les cœurs, nous n'y sommes pas encore. Pour l'heure, les communards célèbrent leur victoire. Quelle fête! On n'a jamais vu ça. Les cœurs sont pleins de joie, les gens s'embrassent, ils dansent. Victorine n'en croit pas ses yeux. Ça y est, après tant de souffrances, place au peuple. Paris est à nous. Vive la Commune! Et ça, tu sais ce que ça veut dire? Pour les plus pauvres, la vie va enfin changer. Fini la misère! Très vite, de nouvelles règles sont décidées. École gratuite et obligatoire pour tous. Réduction du temps de travail. Séparation de l'Église et de l'État. Oh pétard, mais tout ça, c'est merveilleux! Hélas, pendant ce temps, les Versaillais préparent la riposte. Adolphe Thiers veut récupérer Paris. Le 2 avril 1871, ils lancent leur première attaque à l'ouest de la capitale. Pris par surprise, les communards ont du mal à contenir les Versaillais qui, petit à petit, gagnent du terrain. Au combat, Victorine évite un obus de très près. Elle s'évanouit. C'est la deuxième fois qu'elle manque de mourir. Les communards se battent comme des tigres, mais les Versaillais continuent leur progression. Le 21 mai 1871, ils entrent dans Paris. Les quartiers de la ville tombent les uns après les autres. Victorine continue de se battre avec ses camarades. Près de la Bastille, une balle la frôle de très près. Pour la troisième fois, elle échappe à la mort. Dans le camp des communards, on ne compte plus les morts. Paris trempe dans le sang. C'est bientôt la fin, pense Victorine. Mais allez, pas encore. Elle regarde autour d'elle. Oh, il y a tant de blessés. Vite, elle entre dans une pharmacie, dans l'espoir d'en secourir quelques-uns. Il faut vous sauver, madame. Lui glisse alors un ange gardien. Si les Versaillais vous attrapent, vous êtes cuite. Vite, on lui prête un chapeau, un pantalon. Elle se coupe les cheveux. Déguisée en enfant, elle tente de sauver sa peau. Elle se faufile dans les rues. Elle se cache. Elle attend. Le 28 mai 1871, les dernières barricades tombent. Les Versaillais ont repris la capitale. C'est la fin de la Commune. Elle aura duré 72 jours. Et Victorine, alors ? Eh bien, elle a réussi à s'échapper, je te rassure ! Quelques mois plus tard, elle arrive en Suisse où elle refait sa vie. Jamais elle n'oubliera les communards et ces deux mois durant lesquels, avec beaucoup de courage, le peuple s'est soulevé. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Parmi les communards, il y avait aussi des artistes comme le grand peintre français Gustave Courbet. Gustave s'est engagé corps et âme dans la Commune. Bravo Gustave ! Hip hip hip ! Gustave Hourra ! Tu as envie de prolonger le voyage ? Bonne nouvelle ! Les Odyssées existent désormais en livre. Retrouve Calamity Jane, le monstre du Loch Ness, Marco Polo et bien d'autres fantastiques aventures dans un livre magnifiquement illustré. Une coédition France Inter.